Ce vendredi à la vie en BD, des correspondances Québec-Lyon, l'origine de l'univers, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, avant-dernière édition d'ailleurs de l'année 2016, quand même le compte à rebours est décidément commencé par une chaude journée hivernale ce vendredi. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et toujours pour porter un regard sur le 9e art, un regard qui sera axé entre autres sur deux albums cette semaine. En deuxième partie d'émission, on aura l'occasion de parler de bande dessinée à caractère jeunesse avec Alex A. Après sa très populaire série L'Agent Jean. Je suis tombé il y a quelque temps sur des chiffres qui tournent autour des 650 000 exemplaires vendus, probablement un peu plus depuis, puisque c'était pas un article de cette semaine. Alors L'Agent Jean qui a connu un très beau succès du côté des dernières années, et pour Alex A, ben on ajoute un autre pan à son univers, avec donc l'univers est un ninja qui s'insère un peu dans la histoire, dans la mythologie, dans le ton de L'Agent Jean, mais plusieurs années auparavant. Donc on fait un peu une mythologie, une genèse, une cosmogonie à travers tout ça. On avait envie d'en jaser avec Alex et de voir un peu comment il se place dans cette nouvelle série, pourquoi il a été aussi chercher ce nouvel univers. Alors on va en jaser avec lui tantôt. Également en fin d'émission, il y aura Édouard Tremblay, l'un de nos libraires en résidence, qui lui avait envie de nous parler de manga à l'approche des fêtes. Il y a l'impression qu'on a parfois le réflexe malheureux de mettre de côté cette sphère-là dans un contexte de bande dessinée pour adultes tout particulièrement. Alors, il a envie de nous parler de trois séries qui vont peut-être un peu redorer le blason de l'univers du manga. Alors, ça sera en fin d'émission. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, on va jaser avec des membres de l'équipe de correspondance, entre autres Paul Bordelot et Jeff. Alors, Paul, correspondance, en fait, qui est une bande dessinée collaborative entre Lyon et Québec, des auteurs qui ont échangé autour de différentes questions, différentes thématiques, qui sont rencontrées également à quelques reprises. Donc, dans le contexte d'un projet qui a mené vers un livre qui est arrivé tout récemment d'ailleurs chez les libraires ici au Québec. Alors on avait envie d'en jaser avec eux, de parler du livre mais aussi du contexte de sa production qui s'insère dans les nombreuses collaborations d'ailleurs entre Québec et Lyon. Alors c'est un peu le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière, alors évidemment il y a des actualités qu'on a manquées, d'une grande importance évidemment, décès de Gottlieb. Alors si vous l'aviez manqué par un pur hasard, parce que on en a beaucoup parlé et avec raison, je vous le mentionne, Gottlieb, de son vrai nom Marcel Gottlieb, qui est décédé à son domicile de Yvelines le 4 décembre dernier à l'âge de 82 ans. Je vous rappelle d'abord lettreur et illustrateur de livres d'enfants, l'auteur adepte d'humour noir et d'absurde, avait démarré la bande dessinée en 1962 dans le journal Vaillant, avec notamment la série Nanar, Jujube et Piette, où apparaissait son fameux chien triste Gay Luron, dont la publication se poursuivra d'ailleurs dans Pif Gadget jusqu'en 1971. Il fut également l'auteur des Dingos Dossiers avec Goscinny et de la populaire rubrique à braque dans le journal Pilote. Après avoir lancé en 1972 avec Nikita Mandrika et Claire Bretéchard le magazine L'Écho des Savanes, c'est encore Gottlieb qui va créer Fluide Glacial en avril 1975 avec son ami Jacques Diamant. Il est entre autres le père des fameux héros expressifs et humoristiques dont Super Dupont, Hamster Jovial, Pervers Pépère, sans oublier sa fameuse coccinelle de la rubrique à braque. Gottlieb, entre autres récompenses, évidemment, a obtenu le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1991. Et voilà, alors Gottlieb qui est décédé au début du mois de décembre. Je vous réfère également dans un autre registre à mon blog pour voir où sur le site du Festival d'Angoulême, évidemment. Donc, la sélection officielle d'Angoulême 2017 a été publiée, diffusée. Peut-être pas de grandes surprises dans la sélection, pour dire quand même énormément de titres. Alors, je vous épargne l'énumération. Plusieurs titres que j'ai eu l'occasion de lire, que j'ai beaucoup aimé, d'autres que je n'ai pas encore lus et que j'ai bien hâte de lire également. Peut-être petite mention, puisque dans le lot, il y a un titre québécois qui est en nomination. Il s'agit de Louis parmi les Spectre d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt, qui est en compétition dans la section jeunesse. Section jeunesse qui a eu, dans laquelle la pastèque a connu quand même un beau succès au fil des dernières années, ben à tout le moins avec la nomination victoire de Paul dans Paul au Parc, si je me trompe pas. Donc il y a de ça quelques années, et ben voilà, donc maintenant Isabelle Arsenault, Fanny Britt qui se retrouvent en compétition, donc avec cette suite de Louis, cette suite indirecte, en fait cette deuxième collaboration plutôt, disons-le comme ça, avec après Jane Le Renard et moi, une collaboration dont on aura nous assurément l'occasion de parler l'an prochain. Et pour voir la liste complète des nominés, ben c'est sur le site du Festival d'Angoulême. Si vous n'avez pas envie d'aller voir la belle mise en page graphique, vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Toujours, puisqu'on parle d'Angoulême, mentionnons qu'il y aura une sculpture monumentale qui sera offerte par l'Institut René Goscinny, qui sera inaugurée à l'occasion du festival l'année prochaine, donc festival qui aura lieu d'ailleurs fin janvier. Alors la ville inaugurera une sculpture originale de 7 tonnes et 4,5 mètres de haut à la gloire de la bande dessinée, et en particulier de René Goscinny, c'est ce qu'avait révélé tout récemment le quotidien Charente Libre. Des nouvelles également du parc d'attractions BD qui est prévu du côté d'Angoulême. Alors le cabinet d'études chargé d'étudier la viabilité du projet pour l'agglomération a livré le résultat de son audit et le projet semble-t-il est jugé globalement cohérent et réalisable. Alors, quelques réserves qui sont émises, on verra si ça se fera dans la réalité. Et en terminant sur Angoulême, mentionnons aussi que si vous êtes à Québec et vous avez entendu et envie surtout de participer à un défi qui s'appelle les 24 heures de la BD, donc l'idée de créer 24 planches en 24 heures en lien avec des contraintes qui sont données, vous avez envie de relever ce défi-là mais également de le relever en équipe, et bien il y a la gang du Festival de la bande dessinée francophone de Québec en collaboration avec la Maison de la littérature qui vous offre la possibilité de relever en groupe ce défi-là, donc un méga atelier qui sera organisé du côté de la Maison de la littérature pour ce 24 heures, et ce sera une belle occasion pour ceux qui ont relevé le défi de le vivre en groupe, puisque à distance comme ça, il y a quand même une dimension solitaire, sinon, qui s'applique. Et pour ceux qui n'ont pas encore osé relever ce défi-là, eh bien, ce sera, j'imagine, une belle première occasion de le faire et de le faire en équipe, en groupe, de manière collective. Alors voilà pour ces éléments d'actualité. On s'en va maintenant en musique avec Ben Briggs. Cette semaine, on écoute un premier extrait. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Ça nous fait toujours plaisir, évidemment, que vous profitiez de cette occasion pour retourner dans nos éditions passées au fil des bientôt 6 dernières années. Et maintenant, en fait, puisqu'on parle d'éléments durables comme cette émission La Vie en BD, mais parlons aussi d'une collaboration durable entre deux festivals. En fait, le Festival de la BD, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et Lyon BD. Et cette collaboration a mené

Chloé Cruchaudet. Ouais. Vous lirez l'album, là, sa jeunesse, comment qu'on savait pas. Finalement, les gens sont plus dévoilés dans ce genre de questions-là, ouais, que dans une question sur Charlie ou sur... Parce qu'il n'y avait pas une obligation des gens de répondre non plus. Donc, quand les questions étaient lancées, ceux qui voulaient y répondre le faisaient. Je regarde la question que Jeff a lancée sur la bise, qui était destinée aux Français. Il y a juste les Québécois qui ont répondu. Mais c'est une drôle de façon c'est de voir vrai. Les différentes perceptions de ça, mais du point de vue québécois. Et justement, bon, en terminant, juste pour placer un peu le contexte plus large, qu'est-ce qui vous était demandé précisément? Est-ce qu'il y avait un nombre de planches? Est-ce qu'il y avait un cadre très précis? Un minimum que vous vous êtes amusé à dépasser? Ou C'était 8 planches qui nous étaient demandées. On a dépassé un peu. Moi, j'aurais dû dépasser parce qu'il y a certaines pages que j'ai trouvées peut-être un peu denses lorsque je les ai réalisées. Okay. Puis dans le fond, j'aurais peut-être pu élaborer ça sur 2 pages avec le même nombre de cases, puis ça aurait aussi bien passé. Mais c'était 8 pages qui avaient été demandées. Par auteur, donc c'est un album d'une centaine de pages. 96 pages. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a certains auteurs qui ont dépassé. De loupi. De loupi. Du simple au double à chaque fois. Lui, il dépasse tout le temps de loupi. Il est irarrêtable, moi, c'est ça. Alors, ça s'appelle Correspondance. Donc, entre autres, Jimmy Beaulieu, De Loupi, Paul Bordelot, Chloé Cruchaudet, Marie-Avril, Julie Rochelot, Laurent Véron, JF à Québec, disponible dans certaines librairies, dont Pantoute également. On peut contacter le festival en ligne pour mettre la main sur le livre. Même chose pour le reste de la province, d'ailleurs. Alors, Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, JF, Paul Bordelot, merci à vous trois. Merci à toi. Merci bien. Et nous, on se retourne en musique, toujours avec la formation, toujours avec Ben Briggs. Écoute de la vie en BD, toujours beaucoup de contenu à vous partager, à vous proposer. Peut-être avant d'aller vers d'autres entrevues, je prends un 30 secondes, là, une minute, pour simplement vous mentionner une bande dessinée que vous devriez lire. Mais j'ai pas envie de trop vous en dire non plus, ne serait-ce qu'au niveau du scénario, parce que ça se lit, ça se dévore, et vraiment, on prend plaisir à découvrir les tenants, les aboutissants, la nature de cette société qui nous est présentée. Alors, c'est chez Ankama, ça s'appelle Chagri-Illa, c'est de Mathieu Bablet, et décidément, en fait, c'est une bande dessinée qui m'a pris par surprise, en fait. Semble-t-il que si j'avais suivi un peu plus les blogs français, j'aurais su que c'était extraordinaire. Mais finalement, je l'ai reçu et je ne savais pas à quel point c'était bon. Donc, ce qui fait que je me suis installé là en me disant, mais je vais la feuilleter un peu. Et c'est le genre de BD que finalement, on commence à la feuilleter. Finalement, on se rend compte qu'il est déjà beaucoup trop tard et qu'on a perdu une partie de notre planning. Mais on est content de l'avoir fait parce que on s'est immergé, on a plongé dans cet univers-là. Une bande dessinée qui est maîtrisée au niveau scénaristique, là, c'est solide, c'est de la science-fiction, de l'anticipation, c'est bien placé, c'est bien monté, c'est bien manœuvré, vraiment rien à dire de ce côté-là. Au niveau du dessin, on est dans un dessin qui est réaliste, mais juste suffisamment pour aussi permettre d'intégrer de manière logique, de manière sensible, les particularités de ce monde-là. Pour contextualiser, en fait, on est très loin dans l'avenir. L'humanité a détruit la Terre, elle est devenue inhospitalière, et donc les humains ont trouvé refuge dans un vaisseau qui appartient à une société qui s'appelle Tianzhu. Chaque geste du quotidien des habitants est régi sur une société comme on en voit beaucoup dans les univers de science-fiction. Et en parallèle, la société a aussi évolué à intégrer d'autres race humaine ou race para-humaine comme les animoïdes, donc des chiens qu'on a fait évoluer, par exemple, ou des animaux qu'on a fait évoluer pour devenir des semi-hommes qui vont accomplir certaines tâches. Évidemment, ça a un impact aussi social et sociologique qui est détaillé dans l'album. Encore là, une belle finesse dans la création de ce monde-là. On découvre évidemment à l'intérieur de ça la vérité derrière ce monde-là, le côté sombre de cet univers-là aussi, à travers, en fait, l'amorce à tout le moins d'un explorateur, donc un type qui travaille à rechercher, à creuser de l'information dans des vaisseaux abandonnés, dans des zones inconnues, et il va mettre la main éventuellement sur une information qui va servir de déclencheur pour une série d'actions, d'événements, vraiment le battement d'aile du papillon en pleine action. Alors donc vraiment, registre de science-fiction qui est maîtrisé, pourtant la première fois d'ailleurs pour Mathieu Bablet dans ce registre-là, il s'était quand même donné sur la mythologie avec Adrasté, donc tout de même, on peut imaginer que dans la construction de monde, il y avait une certaine expérience, thématiques qui sont stimulantes d'un point de vue sociologique, le conformisme, l'ultra-consumérisme, le spécisme, on va chercher du Kubrick, du Carpenter, du Gilliam là-dedans, donc vraiment, regardez, je n'en dirai pas plus puisque le temps file, si ce n'est que cet album-là mérite largement d'être lu, c'est probablement dans un de mes coups de cœur pour l'année 2016, dans ce que j'ai lu à ce jour, à tout le moins, ça s'appelle Shangri-La, c'est de Mathieu Bablet, grand format, 220 pages, beaucoup de plaisir, alors je vous recommande doublement et triplement, donc Shangri-La de Mathieu Bablet chez Ankama. Toujours la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/la vie en BD. On partage quand même pas mal de matériel d'ailleurs au fil des semaines, des jours, des mois, des années. Et on poursuit notre regard sur différentes sorties automnales et on essaie pour la prochaine d'être un peu plus rapproché, si on peut dire, de la période de publication. Donc c'est un album qui est arrivé de manière relativement récente chez vos libraires. Alors ça s'appelle L'univers est un ninja, livre bleu. Donc tout nouveau né d'Alex A et une nouvelle série également qui s'ajoute à l'univers qui avait déjà commencé à bâtir, en fait qui avait déjà bien bâti d'ailleurs avec l'agent Jean. Alors il est avec nous au bout du fil pour en jaser. Alex A, bonjour. Salut. Alors, je disais justement, c'est un peu dans le même univers, dans le même cadre. Donc, mais c'est aussi, en fait, je me rappelle dans certaines entrevues, tu disais, l'agent Jean, pour toi, c'était un peu un coup d'essai pour apprendre à faire de la BD, pour voir si t'étais capable. Puis tu t'étais dit, quand je me trouverais assez bon, il y a peut-être l'univers est un ninja que j'aimerais ça essayer. Et donc, le moment est venu pour que tu choisisses de te lancer dans cet univers-là en parallèle de l'agent Jean. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que l'agent Jean, c'est ma première série. C'est un personnage que je connaissais depuis tellement longtemps que je me sentais en sécurité de commencer avec ça. Puis j'ai comme fait mes armes, j'ai bâti mon style, bâti mes techniques de dessin. Puis l'univers est un ninja, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que j'aurais comme pas pu manquer parce que c'est un peu l'introduction, si on veut, de mon univers de bande dessinée. C'est là-dedans que je raconte toute ma mythologie puis comment l'univers a été créé. Fait que ça englobe aussi l'agent Jean. Donc, je voulais pas manquer mon coup. Fait que, ouais, c'est ça. Je me sentais prêt après 5 ans de travail sur l'agent Jean de commencer à faire autre chose. Oui, puis de développer, j'imagine, aussi un univers en parallèle parce qu'on met pas l'agent Jean de côté. Il fonctionne peut-être à une autre vitesse, mais il va continuer à rouler. Donc, c'est l'idée aussi, j'imagine, d'enrichir un peu de son univers du travail, les aventures, les héros autour desquels tu développes. Oui, exactement. Puis un peu, je suis dans un autre style aussi. Je suis plus du tout dans la science-fiction avec l'univers de Ninja. Parce que l'agent Jean, il y a énormément de science-fiction là-dedans, mais là, je suis plus dans le l'espèce de quête mythique à la Seigneur des Anneaux, si on veut, ou comme les il y a beaucoup d'influences de jeux vidéo là-dedans, fait que c'est beaucoup comme le Legend of Zelda, par exemple, que je me suis beaucoup inspiré. Fait que ça fait du bien de changer aussi de track comme ça. Puis effectivement, comme tu dis, c'est une manière d'enrichir aussi, je pense, mais tout, pas juste mon univers, mais mon style de dessin en général, puis continuer à explorer toujours différentes choses. Et puis, en fait, j'ai l'impression que tu donnais quand même, au niveau du cadre, certaines contraintes. En fait, de ce que j'en ai compris, c'est quoi, à peu près 6 livres, une couleur par livre, donc une certaine tonalité, si on peut dire, là-dessus, dans le registre de la quête. Donc, tu sais déjà pas mal où tu t'en vas, en te laissant quand même un peu de place à l'improvisation aussi? Oui, tout le temps. Ben, j'ai toujours travaillé comme ça. J'aime pas l'improvisation, vraiment. Je pourrais pas commencer une série sans savoir où je m'en vais. Je faisais le tome 1 de la Jean-Jean, puis je savais comment le tome 8 allait finir. C'était déjà clair dans ma tête. Fait que l'univers est un ninja, ouais, la structure de l'histoire est déjà montée, j'ai déjà ma finale, je sais comment la série va finir. Puis je sais déjà comme tu dis, il va y avoir une couleur par livre, donc je sais déjà quel livre a quelle couleur et tout, donc je sais où je m'en vais. J'ai une bonne idée de base pour chaque livre, mais c'est sûr que quand le travail commence vraiment, le travail d'écriture sur chaque livre, là, je commence à peaufiner puis élargir tout ça, mais mon idée est là, oui. Et des fois, en fait, est-ce que ça a été difficile? Bon, le premier livre est arrivé, le deuxième s'en vient aussi, je pense, à courte échéance. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile de se lancer pour le premier livre, de trouver le bon ton, le bon registre? Oui, en fait, je trouve que j'ai même pas tout à fait réussi encore, là. C'est un livre que j'ai recommencé deux fois. Ben, je l'ai pas recommencé une fois, je l'ai recommencé une fois. J'ai fait une fois une première version, je l'ai pas aimé, je l'ai recommencé. C'est sûr que le livre a été reporté d'un an d'ailleurs. Puis là, je regarde le résultat que j'ai fait, puis je l'ai encore recommencé une troisième fois pour vraiment trouver ce que je voulais faire. Je m'en suis comme rendu compte à la fin de quel ton exactement je voulais emmener, puis de qu'est-ce que je voulais faire avec ce livre-là. Donc, ouais, ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais là, je pense que je l'ai bien trouvé. Puis pour les prochains tomes, je suis quand même content de ce que ça a donné pour le tome 1, là, mais je pense que ça va juste s'améliorer aussi avec le tome 2. Puis la série va comme décoller comme je le veux. Oui, puis j'imagine, en fait, ça, trouver le ton, trouver de quelle manière, dans le fond, on est en continuité dans ton style, dans ta manière d'écrire avec la Jean-Jean, mais de quelle manière aussi il y a des particularités qui se développent pour l'univers et ton ninja. Oui, ben en fait, c'est que la Jean-Jean, c'est des personnages que je connais depuis tellement longtemps, fait que c'est un naturel de les écrire. Quand je suis arrivé pour écrire l'univers de Ninja, je t'avoue que les personnages, je les connaissais pas du tout, donc j'arrivais pour écrire des dialogues, puis il n'y a pas grand-chose qui sortait, donc ça a été un beaucoup plus long travail que je pensais, de me questionner sur chaque personnage, puis les motivations de tout le monde, puis qu'est-ce que j'essaie de dire avec cet univers-là. Donc c'est ça qui a été comme plus difficile, de partir avec quelque chose de complètement nouveau, que j'avais jamais fait avant. La seule chose que j'ai vraiment fait en bande dessinée, en livre de bande dessinée, c'était la Jean-Jean. Puis j'ai un peu sous-estimé le travail à faire sur une nouvelle série, je pense. Et en même temps, j'imagine, j'essaie de me mettre à ta place en me disant, ben, on parle de quoi, en fait, j'étais tombé abonné sur 650 000 exemplaires de la Jean-Jean qui avait trouvé preneur, sûrement en plus depuis la publication de cet article-là. Donc, ça veut dire qu'à chaque livre de la Jean-Jean, les gens attendent, les gens ont hâte. Nouvelle série, est-ce qu'on se met peut-être un petit peu plus de pression aussi en disant, ben, OK, faut pas que je rate mon coup et le reste? Oui, ben, j'essaie de pas penser à ça. Je pense que quand t'es auteur, faut jamais penser à ça au moment où on écrit, parce que sinon, se mettre de la pression, c'est un peu se mettre des blocages ou se mettre des directives qu'on devrait pas. Donc, j'essaie de jamais penser à ça, puis juste faire qu'est-ce que je pense qui doit être fait, puis ce que j'aimerais faire profondément. Donc, ça a pas été trop pire. Puis là, d'après ce que j'ai su aujourd'hui même, les ventes sont excellentes aussi. Donc, ça va, j'ai pas trop à m'inquiéter. Je pense que les jeunes aiment mon univers en général, ils aiment le genre de personnage que je fais, donc il n'y a pas de problème à ce qu'ils embarquent là-dedans, donc je suis rassuré. Oui, puis à la limite, en fait, c'est un peu comme pour les agents Jean. J'ai toujours l'impression que tu les as fait un peu pour te faire sourire aussi, en bon premier public pour toi, puis que si tu es satisfait, ben les gens qui te suivent vont l'être aussi. On partage, tes lecteurs partagent un peu ta sensibilité, ton goût pour l'absurde, pour les clins d'œil aussi aux lecteurs. Parce que j'ai l'impression que même dans le texte, dans la façon dont t'écris, il y a un peu un quatrième mur avec lequel tu joues joyeusement, là. Peu importe la série d'ailleurs. Oui, ben on dirait que c'est... Ouais, dans ma manière d'écrire, je suis pas capable de me prendre au sérieux tant que ça. Fait que je suis toujours en train de faire référence au fait qu'on est dans une histoire, on dirait. Puis, ouais, avec la Jean-Jean, c'est... Ben, comme tu dis, c'est quelque chose que... En fait, toutes mes BD, c'est des choses que j'aurais vraiment aimé lire quand j'étais jeune puis que j'aimerais encore lire aujourd'hui. Donc, c'est un peu l'optique que j'ai, le faire. Je trouvais qu'il y avait une espèce de manque dans ce genre de BD-là jeunesse au Québec. Donc... C'est ça, j'ai vraiment fait ce que je pensais qu'il devait être fait. Et peut-être, en fait, justement, pour donner le contexte de l'agent Jean, on parle donc d'une cosmogonie, dans le fond, au départ, donc la naissance de l'univers, à peu près ça, une quête, donc un ninja qui s'appelle Yo, qui part dans cette quête-là. Pourrais-tu nous présenter peut-être un peu l'esprit, la nature de cette amorce-là que tu nous proposes? La quête habituelle de faut sauver le monde. Dans ce cas-ci, dans l'univers de Ninja, j'ouvre mon histoire avec carrément la création de l'univers, puis j'explique que l'univers, mon univers de bande dessinée, non notre univers à nous, c'est très important. Donc, moi, j'explique que l'univers a été créé à partir d'un artefact sacré qu'on appelle le Grand A. Et puis, le Grand A qui renferme l'origine de la création, si on veut, toute la puissance créative vient de là. Et il y a 6 dieux qui ont été créés à partir du grand A, donc 6 consciences uniques, chacun étant d'une couleur différente, donc c'est pour ça qu'il va y avoir 6 livres aussi. Et ces 6 dieux-là ont créé l'univers, en fait les bases du premier univers connu de la création. Puis Io, qui est le petit personnage de Ninja Bleu, qui est le dernier de la race de Ninja Céleste, qui est là pour protéger le grand A, doit rassembler tous les morceaux du Grand A, parce que le Grand A a été détruit pendant une très grande guerre où tout le monde essayait de s'emparer de l'artefact. Donc, il va essayer de rassembler les morceaux pour essayer de retrouver la magie dans le monde, parce que depuis que le Grand A a été détruit, il n'y a plus aucune création, puis le monde est terne, puis les gens, faut juste qu'ils travaillent pour essayer de survivre, puis c'est plate. Fait que, en essayant de faire ça, les dieux vont retrouver leur pouvoir, puis peut-être que la magie va revenir sur le monde. Donc, ça va être ça la quête qu'il va devoir faire à travers les 6 livres, retrouver les 6 morceaux du Grand A. Et avec, on imagine, différents tons, différents contextes, différentes 8-bits, créatures, animaux, monstres, oui. etc. Ben, je vois la structure un peu comme un jeu vidéo. Donc, chaque livre va être comme si on veut un tableau ou un monde, comme dans Super Mario, disons. Chacun avec ses méchants, chacun avec son des décors différents, des couleurs différentes. Et puis, il va y avoir un boss aussi différent à chaque fin de livre. Et évidemment, trouver l'objet, des artefacts qui forment un peu les objets qu'il faut trouver dans les Super Mario, c'est les étoiles. Dans le Zelda, par exemple, c'est il y a des morceaux de Triforce, par exemple. Donc, c'est ça, mais je suis un grand amateur de jeux vidéo. C'est un peu mon médium préféré. Donc, j'essaie un peu de rendre hommage à tous les jeux que j'ai joués dans mon enfance avec cette série-là. Oui, puis même avec la petite carte à la fin aussi, où on voit chaque zone, on voit déjà un peu le ton qui va être amené aussi, les lieux, certains lieux phares qui vont être visités. Donc, on s'amuse un peu là-dessus aussi. Oui, je vais m'amuser. Ben, ça, la carte, les livres sont déjà faits un peu dans ma tête. Donc, ouais, la carte est déjà faite. Puis, je sais où le personnage va aller à chaque livre. Et c'est toujours cool de dessiner des cartes comme il y avait justement dans les jeux de mon enfance, de voir le monde au complet, puis de voir où Io va passer un peu. Donc, suivre les aventures du personnage avec lui. Ça, je trouve ça cool. Et comment on arrive au niveau travail? Donc, une fois qu'on a réussi à trouver le ton, justement, comme tu disais, t'as passé un bon bout de temps, une année, pour pas être en plein, évidemment, on l'imagine, mais à développer l'univers, les personnages, à trouver l'esprit de tout ça. Donc, comment là, tu vas manœuvrer entre l'agent Jean qui se poursuit, l'univers est un ninja qui se développe? Est-ce que les allers-retours vont se faire assez facilement entre une période de création pour un, une période de création pour l'autre? Je fais un livre à la fois toujours. Là, je travaille jamais deux projets en même temps. Donc, dans ce cas-ci, ben, je vais essayer de sortir plus de l'univers de Ninja que d'Agent Jean. J'aimerais ça faire 2 livres par année de l'univers de Ninja parce que je veux pas passer 6 ans sur une série. Là, je suis un peu trop impatient dans la vie. Mais je dirais que là, il y a de la nouveauté pour l'Agent Jean. C'est-à-dire que la première fois, je vais commencer à avoir de l'aide. Je peux déléguer certaines choses dans les dessins. Donc, j'ai de l'aide à la couleur, de l'aide à l'ancrage. Donc, les livres de l'Agent Jean vont peut-être se faire un peu plus rapidement qu'avant. Ça va me donner du temps pour vraiment tout faire les projets que je veux faire dans la vie. Puis j'ai encore beaucoup d'idées, puis là, je manque de temps. Donc, mon éditeur m'a offert gentiment de offrir de la job à d'autres personnes, ce qui me fait très plaisir. Oui, puis en même temps, mais de ton côté, justement, de prendre une petite vacance d'une série que tu roules depuis déjà, quoi, 5-6 ans. Donc ça. Oui, mais en fait, une petite vacance. Mais en fait, ça me tentait même pas de le lâcher. Quand j'ai fini la saison 1, le tome 8, j'avais le goût tout de suite le lendemain de continuer parce que plus j'ai fait ce personnage-là, plus je l'aimais, puis plus j'ai envie d'explorer ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai aucunement envie d'abandonner. Non? Et donc, on va suivre tout ça, évidemment, une création assez spontanée aussi. En fait, beaucoup de... Est-ce que, justement, en terminant, tu te lances... Bon, tu disais ton plan de match est assez clair, mais avec Jean, on l'a vu, des albums à des durées variables où parfois on sentait que tu t'étais laissé emporter dans une piste puis tu avais décidé de pas te ralentir, mais d'y aller à fond. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu vas essayer de cultiver dans l'univers? Une retenue de jaw? Oui, absolument. Là. J'essaie toujours d'aller le plus loin possible dans mes histoires puis dans la folie qui est autour de ça, ça c'est sûr. Puis j'essaie toujours d'explorer des nouvelles choses que j'aurais pas pensé. Alors ben, on découvre tout ça, évidemment, premier tome, on le disait, qui est déjà disponible. Ça s'appelle « L'univers est un ninja ». Alexa, merci. Ah oui, bien, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine, salut. Alors voilà, Alex A., je le rappelle, donc auteur de cette série, et c'est du côté de Presse Aventure. Dernière ligne droite pour cette avant-dernière émission de La Vie en BD de l'année 2016. Dernière ligne droite qu'on fait en compagnie d'un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay de chez Pantoute. Bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs en cette journée polaire. J'espère qu'ils sont bien au chaud. Et avec un bon livre aussi. Et justement, parfois, Édouard, en fait, c'est un peu l'idée, quand tu me lançais ton sujet, on a tendance à mettre le manga de côté un peu en disant c'est ci, c'est ça, c'est pour les jeunes et le reste, alors qu'il y a des excellentes séries. Et on s'est dit, ben on pourrait peut-être profiter des minutes qu'on a ensemble pour attirer l'attention des gens sur certaines de ces séries-là qui peuvent faire figure peut-être d'incontournables dans des sorties récentes. Là. Oui, des classiques déjà en devenir et justement, comme tu l'expliquais aussi, des séries qui, par leur maturité, par leur thème, par la façon dont c'est abordé, ne s'adressent pas à de jeunes lecteurs, mais bien à des adultes. Et pour prouver, ben, comme on le disait justement, que comme c'est le cas dans la BD en général, c'est le cas aussi dans le manga, on a des produits qui sont pour tous les publics, dont nos lecteurs adultes. Alors, on commence avec un premier titre, Ad Astra. Ad Astra, un titre qui est très très cher à mon cœur, en fait, moi-même, bon, qui a eu la chance d'étudier un peu le monde romain, le monde grec, et dans Ad Astra, ben c'est ce que nos amis nippons vont faire. Au Japon, on a, croyez-le ou non, un grand intérêt pour le monde romain. Il y a des chaires universitaires spécialisées là-dedans, et ça se reflète également dans le novel de la bande dessinée. On a eu ces dernières années plusieurs séries qui touchaient le monde romain. Bon, je pense à Bestiarius, Thermae Romae, Virtus. Et donc, c'est le cas également sur Ad Astra. Ad Astra qui va vraiment nous placer dans une grande, grande, grande fresque historique qui se base sur cet affrontement, en fait, légendaire de la Deuxième Guerre punique entre, justement, Hannibal et Scipion. Cette grande guerre qui a pratiquement mis Rome à genoux et que l'on va rendre ici, non seulement avec un raffinement dans le détail, mais avec un grand, grand, grand, grand, grand souci de l'exactitude historique, ce qui est d'autant plus agréable de ce côté-là. Oui, enfin, on aurait pu ne pas s'attendre à ce souci de l'historicité-là dans un manga, alors que par défaut, pour des séries comme Urena, par exemple, on se dit, ben, OK, oui, c'est évident qu'ils ont fait leur recherche et le reste. Exactement, exactement, mais c'est, je te dirais, une des forces, en fait, qu'on retrouve souvent dans le manga. Les mangakas sont des gens, je dirais, presque à la limite de l'obsessionnel, lorsqu'ils vont mettre des éléments, que ce soit scientifiques ou historiques ou même culinaires, ils ont très souvent cette propension à aller vérifier, à aller contre-vérifier ce qu'ils vont avancer. Et au-delà du côté ludique qui est omniprésent, eh bien, on se retrouve justement avec des séries qui, en plus, nous apprennent une tonne de choses. C'est vraiment absolument extrêmement agréable de ce côté-là, je te dirais. Et j'imagine qu'on oscille un peu entre des moments plus personnels puis des grandes scènes de combat. Est-ce qu'on réussit à garder une lisibilité, notamment dans ces scènes de bataille-là ou dans ces moments plus intenses-là? Tout Tout à fait. L'illustration, comme je le disais, et c'est le cas des trois séries que je présenterai ce soir, c'est vraiment démentir là, cette idée que le manga parfois est un peu brouillon ou est un peu facile. Au contraire, on a amené ça avec un grand raffinement, avec un grand souci de l'équipement des légionnaires ou des mercenaires d'Hannibal, un grand souci justement de la composition des mouvements militaires, de qui oui étaient ces gens-là, de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils... Bon, Hannibal, on le présente comme un filet de laine, comme un homme qui... Et donc, c'est vraiment un portrait très complet et manié là, de main de maître. Alors ça, c'est Ad Astra. Ad Astra, oui. Édouard, autre titre, Terraformars. Terraformars, alors là, on sort en fait de l'historique et on se transpose dans la science-fiction. Une science-fiction matinée d'horreur, en fait, mais encore une fois, très prenante. On se retrouve sur la Terre en 2600. La Terre, vous l'avez compris, est à... complètement à bout de ressources. On a plusieurs dizaines de milliards de personnes qui y sont installées. Et pour essayer de pallier à ça, en fait, eh bien, on va carrément, d'où le titre, essayer de terraformer la planète Mars en y envoyant notamment des cafards, des bonnes vieilles coquerelles de maison pour essayer de développer l'effet de serre, essayer de développer un environnement qui est viable. Le problème est que une fois sur Mars, exposé aux radiations et tout, ces fameuses coquerelles-là connaissent une évolution qui est non seulement extrêmement rapide, mais qui leur donne une forme humanoïde contrebalancée par leur force insectoïde, ce qui fait qu'ils ont littéralement conquis Mars et que les humains qui essaient de reprendre la chose ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Alors, encore là, il y a une espèce de fausse science qui marche, en fait, dans l'idée d'envoyer des coquerelles qui sont une des espèces les plus résilientes ici, mais de se dire, OK, ils vont être résilientes ailleurs. Donc, j'ai l'impression que ce type d'argument-là, où il y a une logique dans l'amener de la créature, favorise une certaine immersion par rapport pour le lecteur. Exactement. On sent quand même cette assise-là. Et du reste aussi, les protagonistes de l'histoire, pour être capables d'affronter justement ces coquerelles-là, vont voir leur ADN modifié. On va y ajouter des capacités qui sont tirées de certains insectes, de certains arachnides. Et toutes ces capacités extraordinaires-là se retrouvent dans de véritables insectes, dans de véritables arachnides. Donc, encore une fois, tout ça, malgré l'aspect évidemment fictionnel de l'histoire, et puis le fil, et Dieu sait que l'action et les combats sont au rendez-vous, ça nous tient vraiment en haleine, mais dans la trame de tout ça, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que donc toute l'assise, tous ces petits pouvoirs, ces petites capacités scientifiques qu'on va mettre de l'avant, eh bien, c'est des choses qui existent dans la faune et dans le monde des insectes. C'est des choses qu'on retrouve. Et donc, encore une fois, ça donne, je dirais, une assise très solide et très sérieuse à la série. Et justement, ça veut dire que dans ce contexte-là, parce que quand tu parles de coquerelles géantes ou des affaires de même, on peut penser tout de suite à Starship Troopers, qui, lui, est complètement décalé, deuxième degré, mais dans ce cas-ci, c'est plus une série qui se prend au sérieux puis qui suscite du lecteur le même sérieux, si on peut dire. Exactement. Tout est vraiment au niveau dramatique. C'est sombre, comme je disais. Ça va même se teinter un peu d'horreur. Et plus on va progresser en plus dans le récit, bien, plus on va voir commencer à voir les intérêts politiques, les divers partis qui vont venir jouer là-dedans, essayer d'entremêler, de mettre leurs cartes de l'avant. Donc oui, tout ça est traité avec un grand sérieux, sans dire une lourdeur, mais un grand poids dramatique qui nous fait vraiment, qui nous garde là, en haleine constamment. Et on change de registre de manière, j'ai l'impression, assez radicale pour le quatrième. En fait, après avoir parlé, donc je rappelle, de Terraformars, là on parle de Lock Up Raw Pro Wrestling. Si ma mémoire est bonne, tu es comme moi un grand nostalgique de cette belle époque de la lutte, alors que nous étions jeunes, où c'était bon un petit peu plus, disons, un petit peu plus manichéen dans ça, bon, et un petit peu peut-être un petit peu plus sérieux. Mais ici, en fait, on s'attaque donc à la lutte. Comme on la connaît au Japon. Et au Japon, ils prennent ça quand même, oui, très au sérieux. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, bon, au-delà de la lutte, je dis, bon, c'est le catch, je dirais que toute la trame derrière tout ça, le personnage central de Samson, qui est un peu le directeur du groupe de catcheurs-là, son groupe est littéralement dans la misère. Ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver de l'argent. C'est un tout petit club. Et de surcroît, eh bien, Samson apprend qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Et donc, il devrait normalement complètement cesser ses activités de lutteur. Mais autant pour prouver à ces gens-là justement que la force d'esprit, que le courage peut faire une différence, autant pour ne pas démotiver les gens qui dépendent de lui, eh bien, il va poursuivre sa carrière de catcheur et il va donner à travers ça, justement, une grande leçon de courage, une grande leçon d'abnégation et d'humanité qui va étoffer le récit et lui donner vraiment une profondeur qu'on n'imaginerait peut-être pas dans un récit qui tourne quand même autour de la lutte professionnelle. Et est-ce qu'on y va avec l'idée, la lutte c'est pas vrai, donc on joue un peu avec les coulisses, ou est-ce qu'on y va plus dans la version télévisée de la lutte où tout le monde fait semblant justement que c'est vrai même si on sait que ça l'est pas? C'est un aspect en fait très intéressant. Bon, Tetsuya Sarutari, l'auteur, est quelqu'un qui a une profonde connaissance des arts martiaux, des arts de combat, aussi bien, bon, ça paraît évidemment dans sa maîtrise du dessin, dans la façon dont il va l'illustrer, mais aussi justement dans tout ce qui tourne autour de ça. Donc, on voit également tout ce jeu justement de coulisses, des promoteurs, des requins, des gens, ces gens la petite semaine qui essaient de faire de l'argent sur le dos des catcheurs, mais sans enlever, bien sûr, que ça prend quand même, justement, comme dans la lutte professionnelle américaine, des gens qui sont très en forme et qui donnent énormément de leur personne, que ce soit psychologiquement ou physiquement, pour ce divertissement-là. Et c'est le cas également au Japon. On a gardé cet aspect, bien sûr, ludique, cet aspect de divertissement, mais on demande énormément aux athlètes et les blessures, les contre-coups ne sont pas rares et on rend hommage un peu aussi à ça là, dans la série. Et Edouard, en terminant, en fait, est-ce qu'on recommanderait le Cup Raw Pro Wrestling principalement aux gens qui sont déjà versés ou qui ont déjà un certain passé, si on peut dire, avec la lutte, ne serait-ce que dans leur jeunesse, ou est-ce qu'au contraire, le sujet peut s'appréhender par un peu n'importe qui? C'est indéniable que les amateurs de lutte vont s'y retrouver, vont avoir un plaisir fou avec ça, mais la contextualisation, l'explication de tout ça, et comme je disais, la grande leçon d'humanité qui en ressort en définitive, fait que j'aurais même quelqu'un qui n'a pas d'intérêt premier pour la lutte, va assurément s'attacher à ce personnage-là et à tout ce qu'il véhicule comme valeur. Alors, on lance donc l'invitation pour ces trois séries. Je rappelle les titres Ad Astra, Terra for Mars et Lock Up Raw Pro Wrestling. Donc, trois beaux exemples de manga qui s'adressent aux adultes, qui peuvent vous, peut-être à l'aube des fêtes, en fait, vous donner aussi envie de plonger dans cet univers-là, si ce n'est déjà fait. Et Edouard Tremblay, nous, on se dit à l'année prochaine? Eh bien, oui, mon ami, une bonne année à tes auditeurs. Excellent, toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà Edouard Tremblay et ses commentaires BD. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, il y aura d'ailleurs beaucoup de commentaires BD. Ça sera notre menu principal. Entre autres, Marco Duchesne, Jérôme Vermette, donc deux libraires spécialisés qui seront avec nous pour vous proposer des idées cadeaux de dernière minute. Et de mon côté, j'irai avec une série de commentaires, de critiques et de survol de différents titres qui m'auront particulièrement intéressé au fil de mes lectures. Alors voilà, passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1, c'était Raymond Poirier au micro pour cette édition de La Vie en BD.